monde ne joue plus les marlous. Je n'ai pas revu quatre ballous. Rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs. Elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Brando voudrait bien retenir un tramway nommé Désir. Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Señorita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Brando n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango. Retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus même chez les gringos. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra